On a trois types de verbes. Un ar, un er et un ir. Mais tous ont un er à la fin. Je vais classer ces verbes, dont tous les verbes, en deux catégories. Non pas trois, mais deux. La première catégorie concerne les verbes en ar, comme hablar, comprar, preparar. Ça sera la catégorie des verbes en ar. Et l'autre catégorie comprend les verbes en er et en ir. Donc, on se retrouve avec deux catégories et non trois. Soit un verbe finit en ar, c'est la première catégorie, soit il ne finit pas en ar, ce sont alors les verbes en er et ir. En effet, les verbes en er et ir partagent les mêmes formes, sauf au présent de la première personne du pluriel, avec la forme du « nous ». Mais ça, on le verra plus tard. Donc, voilà nos deux catégories de verbes. Quelle que soit la catégorie du verbe, au présent, on insiste sur l'avant-dernière syllabe. Puis, on relâche la terminaison. Alors, comme on vient de voir, « préparar », je vais vous demander à nouveau comment on dit « je prépare ». Préparo. Préparo. Je le prépare. Lo preparo. Lo preparo. Accepter se dit aceptar. Alors, je l'accepte. Lo acepto. Lo acepto. Hein, avec un seul C. Lo acepto. Lo acepto. Donc, que ce soit un verbe en ar ou non, pour la forme avec je, on accentue l'avant-dernière syllabe. Puis, on relâche sur le O de la terminaison. Avec vous, il, elle, ça, nous avons jusqu'ici employé la catégorie des verbes en er et en ir, pour laquelle on accentue l'avant-dernière syllabe, puis on relâche sur E. Donc, par exemple, dans le cas du verbe comprender, vous, usted, vous comprenez, se dira comprendez. Comprende. Hein? Et salir, vous sortez? Sale. Sale. Hein? Très bien. Faire, c'est affaire. Donc, vous faites? Hace. Hace. Hace. Et escribir, vous écrivez? Escribe. Escribe. Là où c'est un peu différent, c'était dans le cas de decir. Hein? Comment dit-on vous? Vous, usted, vous dites, ou il ou elle dit. Dice. Dice, très bien. Donc, ça c'est la catégorie de verbes qui ne finissent pas en ar. Dans la catégorie de verbes en ar, avec il, elle, ça et usted, après avoir accentué l'avant-dernière syllabe, on relâche sur a. Pas sur e, mais sur a. Ce qui veut dire qu'on a deux sons clés. On a deux grandes catégories de verbes. Il y a la catégorie de verbes en ar, où avec il, elle, usted, après la syllabe accentuée, on relâche sur le a. Et il y a l'autre catégorie, celle des verbes qui ne sont pas en ar, où après la syllabe accentuée, on relâche sur e. Donc, on a soit a, soit et, a ou et. Ce sont les deux sons clés pour tous les verbes au présent. Alors, pour dire vous parlez, on dira habla. Bien, habla, hein, qui veut dire à la fois il parle, elle parle et vous, hein, usted, vous parlez. Habla. Alors, comment demandez-vous à quelqu'un est-ce que vous parlez français? Français se dit français. Habla français? Français. Français. Français. Comment écrivez-vous français? F-R-A-N-C-E-S. F-R-A-N-C-E-S. Suivant notre règle du son, se prononcerait Frances. Ah oui, il y a un accent écrit. Oui, mais où? Sur le E. C'est exact. F-R-A-N-C-E, avec un accent aigu sur le E, S. Frances. Parce que sans l'accent, ça donnerait Frances, suivant notre règle du son. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, Frances. Alors, encore une fois, est-ce que vous parlez français? Habla. Habla, oui. Habla français. Habla, hein, cet accent est important. Habla français.